inventant pour le lendemain une randonnée avec son ami René, dont le départ était prévu à 5h du matin, le narrateur quitte avec mille précautions le domicile familial dès 22h, sous la pluie. Mais il était bien encombré avec le panier à provisions que sa mère lui avait donné pour sa randonnée.